Chapitre 3e, dans la tour. Les conjectures de Francis ne s'étaient que trop réalisées. À un an de là, presque jour pour jour, Catherine, accusée du crime de haute trahison selon l'usage, était trouvée coupable par un jury servile et, comme telle, condamnée à avoir la tête tranchée dans la tour de Londres. Par une matinée du mois de mars, cependant, une femme enveloppée d'un long manteau descendait d'une barque sur le mole qui conduisait à la prison d'État. Munie d'un laissez-passer signe du roi, elle traversait les longs corridors du sinistre édifice et se faisait ouvrir une des prisons les plus sombres et les plus reculées. « Francis !» s'écria tout d'un coup une autre femme captive. « Vous voilà donc enfin ! Pardonnez à mon impatience, mais je commence à désespérer de vous voir. Ah, majesté, un doute même eût été une offense, mais on doit tout pardonner à la reine prisonnière. Je viens vous dire d'espérer, Catherine. Espérer quoi, Francis ? Une grâce du roi. Une grâce du roi. On attendra les tigres, on amollira le marbre, mais jamais on ne rendra le cœur de Henri sensible à la pitié. N'essayez donc pas de me bercer d'illusions, mon ami. Je sais quel est mon sort et je m'y résigne. Vous avez des amis puissants, reine. Ils intercéderont pour vous. Rien ne peut intercéder auprès d'un homme tel que le roi. La sentence est prononcée. Il faut qu'elle s'exécute. » La reine, en effet, n'avait pas plus tôt prononcé ces dernières paroles qu'un bruit de verrou résonna. C'était un geôlier. « Madame, dit-il en s'adressant à Catherine, la chambre étoilée vous fait dire par ma bouche que vous n'avez plus que 4 heures pour vous préparer. » « Plus que 4 heures. Vous le voyez, Francis, voilà la grâce. » Des larmes coulèrent en ce moment des beaux yeux de la reine infortunée. « Plus que 4 heures, répéta-t-elle. « Hélas, le temps me presse, et c'est tout au plus s'il me reste le loisir de songer à quelque dernière volonté. » La duchesse de Cambridge reçut de son amie plusieurs confidences, puis, Catherine reprenant la parole, « J'ai encore une triple mission à vous confier, Francis, lui dit-elle. Vous savez que vous pouvez disposer de moi en toute assurance, lui répondit la duchesse. Je dois, avant de quitter ce monde, laisser une trace de mon passage chez ceux qui m'ont aimé. Voici une paire de pendants d'oreilles ciselées par Benvenuto Cellini. Vous les remettrez à la vieille Thérèse Nash, ma bonne nourrice. Thérèse Nash les aura dès demain. Voici une agrafe d'or d'un travail précieux. Je serais heureuse que la duchesse Géraldine Fitzgerald, qui m'a témoigné de l'intérêt durant mon procès, eût ce bijou. Il lui sera remis. Enfin, Francis, je vous prierai de faire tenir ce mouchoir de dentelle de Flandre à une famille de Piccadilly, dont je vous ai un soir raconté le bienveillant accueil. À la pensée qui se voyait seule sur ce mouchoir, j'en ai rajouté un autre, non point à Windsor, mais dans la tour. Vous le direz à cette famille, Francis, et vous la prierez de boire à la reine. God save the Queen. En ce moment, la porte s'ouvrit encore une fois. Madame n'a plus que 3 heures, dit le geôlier. Francis comprit que, dans ces instants solennels, Catherine désirait rester seule. Elle se jeta dans ses bras et murmura en sanglotant un adieu lent et cruel. Puis, prenant les objets dont la reine l'avait chargée, elle s'arracha cette scène déchirante. Le cœur inondé de tristesse, la duchesse allait enfin traverser la dernière cour et rentrer dans la barque qui devait lui faire passer la Tamise, lorsqu'elle se vit brusquement arrêtée par un homme vêtu de rouge. « Au nom du roi, on ne passe pas !» dit l'homme. « Voici cependant un ordre signé de Sa Majesté elle-même. Pour vous, madame, il est vrai, mais non pour ceux que vous portez. Qu'est-ce à dire? Au terme des anciens statuts, tout ce que les suppliciés ont sur leur corps le jour de leur condamnation à mort appartient à celui qui les exécute. Je suis Jean Ketch, bourreau de Calais, et c'est moi qui dois ce soir exécuter la reine. Vous tenez d'elle des pendants d'oreilles, une agrafe et un mouchoir qui m'appartiennent. » Francis frissonna d'horreur, mais une idée soudaine illumina son front. « Combien estimez-vous ces objets ?»« Venant de la reine, ils ont plus de prix. Je les estime 3 fois ce qu'ils pèsent. »« Ce n'est pas assez. Je vous en donne, moi, 10 onces d'or. Acceptez-vous ce marché ?»« J'accepte, » dit l'homme. La duchesse versa son aumônière dans la main rougeâtre de Jean Ketch, et bientôt sa barque la ramena à Londres.